السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة مع إخوة لنا وأيضا بناتنا معنا يستمعون الذكر. Louange à Allah qui a réitéré ses rencontres avec nos frères et nos sœurs qui sont là pour écouter. حديث هذه الليلة موجه للجميع وبالأخص المرأة المسلمة ودورها في إصلاح نفسها وأسرتها ومجتمعها le dogme et le même. Ce que croit un homme et une femme sont pareils. Il y a des règles spécifiques aux hommes. Le fait donc de l'imama, le gouvernement. Il y a d'autres les règles qui concernent aussi spécifiquement les hommes. Et il y a des règles spécifiques aux femmes. مترتبة عليها صحة العبادة وعدمها. sur lesquels donc il en découle la validité ou la non validité de son adoration. كالنفاس والحيض. comme donc les rushis et les règles. والحمل. donc le fait de porter un enfant. والرضاعة. l'allaitement. والولادة. donc l'accouchement. تعلق بجميع العبادات. donc tous ces phénomènes sont liés aussi à l'adoration. الصلاة. la prière. والصيام والحج كثير تترتب عليها هذه الأحكام إذن هناك أحكام عامة للجميع وهناك أحكام خاصة للرجال وهناك أحكام خاصة للنساء النساء لهن منزلة في كتاب الله. les femmes donc ont une place dans le livre d'Allah. سميت سورة كاملة في القرآن باسم سورة النساء. il y a une sourate entière qui porte donc le nom de sourate des femmes. ما في سورة اسمها سورة الرجال. il n'y a pas aucune sourate qui s'appelle sourate des hommes. وهذا تشريف للنساء. donc c'est une façon donc de rendre l'autorité à la femme. خص الله لهن سورة. خص الله لهن الله لو اسبيسيفي دونك سورة كاملة في القرآن باسم النساء une سورة كومبليت دونك pour les femmes هذا التكريم الحقيقي donc ça c'est l'honneur للمرأة le véritable honneur pour la femme وهذا الاحترام الحقيقي للمرأة et ça c'est le respect pour la femme لا أن تجعل سلعة للعري donc et non pas qu'on en fasse une marchandise pour la nudité وإشباع الشهوة et pour aussi assouvir les passions المجتمعات les sociétés رجال ونساء sont composées des hommes et des femmes ذكور وإناث mâles et femelles الإحصائيات les statistiques العالمية mondiale تدل على montre أن عدد النساء أكثر من الرجال le nombre des femmes est supérieur au nombre des hommes وليس غريب Et ce n'est pas quelque chose qui est étrange. Beaucoup d'hommes laissent leur vie dans les guerres. Ainsi que les accidents. De par leur voyage et déplacements. Ainsi que donc comme les accidents de route. C'est pour ça donc les femmes elles sont plus nombreuses. Et même les hadiths authentiques. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'à la fin des temps. يصبح الرجل قيم على 50 امرأة. Donc un homme aura la responsabilité de 50 femmes. يعني تصبح عدد النساء 50 ضعف من عدد الرجال. Donc le nombre des femmes sera supérieur au nombre des hommes de 50 fois. ويقول العلماء في هذا. Les savants disent à propos de cela. لأن الرجال أكلتهم. Car donc les hommes seront absorbés par les épreuves. Donc la femme, elle se doit d'avoir une part. Donc dans ce séminaire. Ma mère est une femme. زوجتي ainsi que mon épouse. أختي امرأة. Ainsi que ma sœur. بنتي امرأة. Ainsi que ma fille. محاط بالنساء. Je suis entouré de femmes. لهم حق الإجلال. Elles ont donc le droit. والتقدير. Donc du respect. والاحترام. Et aussi de leur rendre ce qui leur revient de droit. المرأة. كتلة من العواطف. Donc, la femme est une masse de sentiments. La réforme de la femme, il en dépend la réforme de la société. La corruption de la femme, c'est la corruption de la société. Et la femme est si dans le quartier, Charles, Salah. Un jeune pieux. وشاب فاسد. Et un jeune qui est pervers. كل منهم له أثر. Chacun des deux donc aura son impact. الشاب الفاسد ممكن يؤثر في المجتمع. Donc celui qui est corrompu certainement il va affecter la société. لكن المرأة الفاسدة. Mais la femme qui est corrompue. تؤثر على المجتمع. Son influence est sur toute la société. لأنها قد تفسد عدد كبير. Car elle peut faire corrompre un grand nombre. والعكس كذلك. Et le contraire est aussi vrai. صلاح المرأة يؤثر. La réforme donc de la femme. تؤثر على زوجها. Elle peut avoir des influences sur son mari. تؤثر على أخوها. Ainsi que son frère. تؤثر على ابنها. Ainsi que son fils. بل تؤثر على أبوها. Peut même avoir des influences sur son propre père et son grand-père. Voilà, donc voilà comment elle peut agir sur 5 sphères. Alors que c'est une seule femme. Donc, le fait d'accorder une importance à la femme. Donc, c'est une bienveillance qui a un but. وذات رسالة. Et aussi, c'est un message. وذات وسائل تحقيق هذا الهدف من خلال الرسالة. Et donc, c'est un moyen aussi d'arriver au but à travers ce message. قلت لكم القرآن اعتنى وجعل لها صورة خاصة. Donc, je vous ai dit auparavant que le Coran il lui a accordé une importance et il lui a dédié une sourate complète. النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم. خصها بكثير من الأحكام. Il lui a aussi spécifié énormément de règles. غالب روايات الحديث. Une grande partie des hadiths. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. sont rapportées par les épouses du prophète Mohammed. Donc, la maison de la prophétie بيتولد. Est une maison de science. Aïcha Tadou. Aïcha Radiallahu anha, elle rapporte. Asma Tadou, Sulayem Tadou. Aussi Asma. Zoujata Tadou, Ndam Riwayat. Hafsa. Hafsa aussi, ainsi. Chacune des épouses de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a rapporté des hadiths. Laisse un hadith. Voilà hadith. Ce n'est pas un seul ou deux. Voilà, non, non. Ni trois. Ah, là, c'est le hadith. Des milliers même. Et elles ont le titre des mères des croyantes. مصلحات. Car elles réformaient. مات النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم est mort. واستمرت الدعوة. Et la دعوة a continué après lui. واستمرت دور أمهات المؤمنين. Et le rôle des mères des croyantes a continué. فكثير روى الأحاديث. Nombre d'enfants ont rapporté des hadiths. عن أمهات المؤمنين. Auprès des femmes du prophète صلى الله عليه وسلم. وعن النساء. Et aussi auprès des femmes. الصحابيات. Les compagnantes. أخرجوا الجيل. Ils ont formé une génération. فريد. Unique. متميز. Qui se différencie. مؤمن. Croyant. لها مبادئ ثابتة. Qui a des principes fermes. حققوا الأهداف. Ils ont concrétisé les buts. من خلال الوسائل الشرعية. À travers les moyens légiférés. فتمت الرسالة. Et ainsi le message est parvenu. Et la société, elle est devenue bonne. تكرار هذا. Donc réitérer cela. يكون وقت. À chaque moment et à chaque instant. ليس بصعب. Ce n'est pas quelque chose de très difficile. نبدأ. Nous commençons. أبدأ أنا. Donc je suis le premier. تبدأ أنت. Toi. نحن أولياء الأمور. Nous sommes donc les responsables des familles. تبدأين أنت يا بنتي. Et toi aussi, ma fille, tu commences. يصلح نفسك. Par ta propre personne. تعلم العلم. Apprends dans la science bénéfique. La salah est la belle. On ne peut se réformer qu'à travers la science. La science donc légiférée. Différencier le vrai du faux. L'unicité de l'association. Donc la sunna de l'innovation. Le vrai du faux. Le bien et le mal. Salah, صلاح تام تصلح بين المجتمعات. Donc c'est à travers cette réforme qui est bonne pour toutes les sociétés. كيف هذا؟ Comment réaliser cela؟ مثل هذه اللقاءات المباركة. De telles rencontres belles. هذه الدورة العلمية. Ce séminaire. لا أستطيع. Je ne peux. لعدم وجود من يأتي بي. Car je n'ai pas quelqu'un qui peut m'amener. وأسرتي لا تساعد في ذلك. Si ma famille ne permet pas. الحمد لله. الوسائل العصرية موجودة. Donc les moyens modernes existent. تستطيعين يا بنتي. Donc tu peux ou ma fille. أن تحضرين معنا. Être présente avec nous. وأنت في بيتك. Alors que tu es chez toi. من خلال. À travers. هذا النقل المباشر. Donc à travers la diffusion, la transmission directe. اسمعي العلماء. T'écoutes les savants. من خلال حافظات الصوت. Donc à travers. المواقع. Donc leur site. القراءة. La lecture. إذن. Donc. إصلاح الذات ممكن. Donc se réformer, bien s'auto-réformer est quelque chose de possible. من خلال الوسائل الشرعية. À travers les moyens légiférés. المتاحة. Qui sont à disponibilité. المفروقة. Qui sont aussi conformes. العلماء الكبار. À travers les grands savants. كما أنت تتقي أحسن الطعام لبطنك. Donc de la même manière que tu choisis ce qui est le plus bon pour ton ventre. ينبغي أن تتقي أفضل المصادر الشرعية. Tu dois donc choisir la source, la meilleure des sources. النخبة العلماء الكبار. À travers les, donc des grands savants. حتى تكون على ثقة. حتى تكون على ثقة. Afin que tu sois donc, afin que tu aies une certitude. وثبات. Et que tu sois affirmé. وطمأنينة. Et qui est. وحجة قوية. Ainsi que tu détiens une preuve forte. فالذي يعلو فوق الجبال. Celui donc qui fait l'ascension des montagnes. فهي راسخة ثابتة. Elle ne bouge pas. ليس كمن يمشي في وسط الوادي. Celui pas c'est la même manière de celui qui marche sur les vallées. أعني. أعني بهذا. Je veux dire par cela. استنادك على جبال العلماء. Le fait que tu t'appuies sur les montagnes qui sont. وقمهم. وقمهم. Ainsi et leur sommet. يجعلك كذلك تسير. ومن ترك الكبار ونزل للصغار كمن يمشي في الوادي ومن يمشي على رأس الجبل. Et celui donc qui délaisse les grands et qui suit les petits, donc c'est comme de la même, c'est comme celui qui marche donc sur les sommets et celui qui marche au pied de la montagne. Les savants sont contenus et confirmés à travers les premiers et les derniers. Si tu sais te réformer, ma fille, tu sauras aussi réformer tes sœurs. Tu leur apprends. وصرتي سبب خير. Et tu seras donc un moyen pour le bien. في بنات خربوا بنات. Il y a des filles qui ont détruit des filles. وفي بنات أصلحوا بنات. Il y a des filles qui ont réformé des filles. كوني صالحة بنفسك. Donc sois bonne en toi-même. مصلحة لغيرك. Et réforme-toi et réforme les autres. وإن وجدت نفسك ضعيفة. Et si tu vois que tu es faible. انسحبي. Donc retire-toi. حتى لا تغتري. Afin que tu sois pas leurré. وتخسري. الله تبارك وتعالى يقول الله donc notre Dieu dit dans ce sens وقرن في بيوتكم et donc demeurez dans la maison ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى donc et ne sortez pas donc de la même manière que la première jahiliya c'est-à-dire en islam. هذا طريق صح. Voilà donc la manière de se réformer. الشارع la rue دور من تريدين. دوركم أنتم يا رجال. Voilà, la rue, ça c'est le rôle des hommes. المجتمع. Car la société. بأمور عامة. Il y a des choses qui sont générales. بأمور خاصة. Et des choses qui sont spécifiques. الطرقات. Les rues. والأسواق. Les marchés. والتنقلات. Les déplacements. والمدن والبلدان. Les villes et les pays. إذا لا المصلحون العلماء. Ça c'est donc c'est les ulama. ما عرفنا أن النساء يتنقلن للدعوة. C'est eux qui font, c'est les ulama qui font ce qui se passe pour faire les femmes. Ce sont les donc ça c'est la responsabilité des hommes. Et toi donc, déjà, réforme ta propre maison. C'est ça ta place. Ta belle place. Ça c'est ton paradis. Chez toi. Donc dans la pudeur. La fierté. Le respect. ومن هانت تعرضت للمامونة. Donc et celle qui ne sait pas donc se respecter, elle s'est exposée donc à l'humiliation. والمرأة ضعيفة. La femme en général est faible. ونحن الرجال. Et nous les hommes. ديال. On est des loups. والمرأة. Et la femme. فريسة سهلة. Est une proie facile. انتبهي يا بنتي. Prends garde ma fille. من الذئاب. Des loups. وكل لعابه يقطر. يفترس. كل لعاب. لعابه يتقطر. Voilà, car donc sa salive elle coule de sa bouche. ليفترس. Pour donc sauter sur sa proie. انتبهي لنفسك. Prends garde ta propre personne. لا تثقين في الأجانب. Et donc ne fais pas confiance à ceux qui sont étrangers. وأنتم انتبهوا لأنفسكم. Et vous aussi prenez garde pour vos propres personnes. Car ta femme elle fait donc tourner la tête à celui qui est le plus raisonnable, le plus sensé parmi vous. L'homme il est fort. Et il est faible face à la femme. Et la femme qui est forte. Elle est faible devant les hommes. Donc, pourquoi s'exposer? C'est pour ça qu'il nous a été interdit. Donc pour la solitude. Car le troisième est le shaytan. Mais maintenant, il y a une autre façon de s'isoler. Vous savez, c'est laquelle? Donc la solitude maintenant électronique. Les mails. Les mails. Donc sur les chats. التانجو الواحدة تانجو أنا أعرف أسمع كل تانجو أنا أعرفها كلها تانجو سكايب سكايب تويتر فيسبوك هذا العقل انهدمت بيوت بهذا السبب Il y a des maisons qui ont été détruites à cause de ça. Il y a eu des divorces suite à ça. Il y a eu des crimes qui ont eu suite à ça. La fornication. La nudité. À cause de ces choses. Prenez garde pour vos propres personnes. Ce sont donc des moyens pour en tirer profit. Et de la même manière, il peut être des moyens pour détruire et aussi pour nuire. La réforme de la société, il se fait à travers toi, ma fille, ou bien à travers toi, ma soeur, ou à travers toi, ma mère. Tout cela, donc en mettant l'effort, en mettant donc l'effort et, les, et en prenant les bonnes résolutions. Nous sommes à une époque donc de l'ouverture. Tu peux voir tout ce que tu veux. Les choses qui sont ici et les choses qui sont ici. Le vrai et le faux. Le bon, le mauvais. Il n'y a personne qui peut t'interdire. Si ce n'est ta foi en Allah. Si tu fais preuve de faiblesse et que tu t'intéresses, prends garde pour ta propre personne. Reviens à Allah. Donc, on est tous sujets à l'erreur. Personne n'est à l'abri de l'erreur. Et tu sais en toi-même que tu fais des erreurs. Donc reviens. La porte est ouverte. La porte du repentir est ouverte. La porte de l'imploration du pardon. Nous avons un Seigneur généreux. Très miséricordieux. Il accepte de repentir et il pardonne beaucoup de choses. Mais donc, et une bonne résolution. Prends garde en ma fille de toutes ces choses. Il y a tant de choses qui sont entrées par la porte par laquelle on voyait le bien. Et elle a perduré comme ça dans le temps jusqu'à ce qu'elle s'est transformée en un vrai mal. Soit. Question. Salam. Après, c'est un salam. Voilà. Et après, donc, c'est un amour. Habba. Ta'alluq. Après, donc, on s'accroche, on s'attache. Thumma. Chia. La tourbillon. Et il y a à la suite des choses dont Allah n'agré pas. La réforme de la société elle prend le départ et elle prend le commencement dans la réforme de ta propre personne. Toi jeune et toi. Voilà, veillez à vous auto-réformer afin que vous donnez naissance à une famille pieuse. Et comme ça, dans la société, elle sera bonne. Si ma, dans ma société, ta société, ma famille et toi, voilà, la société n'est composée que d'un nombre de familles. Si on réforme notre société, on sera bon. Donc, pas plus qu'hier, il y a un frère qui m'a dit. أن مساجد الجمعة في روبي أن مساجد الجمعة في روبي que les mosquées donc de Roubaix le vendredi كلها ممتلئة elles sont pleines قلت هذا مؤشر جيد je dis ça c'est une bonne chose c'est un bon indice فالناس هم الناس الناس هم الناس donc les gens sont ça reste donc toujours des gens فهذا يدل على عودة حميدة إلى الله. Donc ça, ça montre qu'il y a un vrai retour vers l'homme. وهذا توفيق من الله عز وجل. Et ça, c'est une aide et un succès de la parole. يدل على أن المرأة هنا لها دور في الإصلاح. Qui montre donc que la femme, elle a pris son rôle pour réformer. ليس فقط في روبي. Pas seulement à Roubaix. في كثير من المدن والدول. Dans plusieurs villes et plusieurs pays. أيها المرأة. Ô femme. استمر. Donc continue. لا تملي. Ne t'en lasse pas. استمري. استمري. لا تملي. Donc continue, ne t'en lasse pas. الطريق طويل. Le chemin est certainement très long. بحاجة إلى جهاد. Il demande beaucoup d'efforts. والصبر. De patience et d'endurance. أنت ترين كثير يلعبون. Donc tu vois tant de personnes s'amuser autour de toi. يفرحون. Voilà, qui s'amusent, ils sont heureux dans les choses qui attirent la colère d'Allah. Et l'âme est faible. Donc fais preuve de patience. Au paradis, il y a tout ce qu'on veut. Donc ils auront tout ce qu'ils demandent. Salam, parole d'un Seigneur miséricordieux. Donc, il faut faire preuve de patience. C'est Allah donc qui c'est auprès d'Allah qu'on cherche pour ce qu'on lui attribue. La patience, la patience. La تستعجل الثمرة يا بنتي. Donc il ne faut pas s'empresser de cueillir les fruits. زوجك سيصلح. Ton mari très certainement il va revenir sur le bon chemin. سيصلح. Ton frère aussi. ابنك سيصلح. Ton fils aussi. أبوك كذلك. Ton père aussi. بنتي. Donc reste ferme. واستمر. Perdu. Tu trouveras tu trouveras donc très certainement celui qui se moque de toi, celui qui te fait tourner en dérision. Tu es extrémiste. Tu es quelqu'un de complexé. C'est très certainement c'est une maladie. Ils ne savent pas que ça c'est la foi en Allah. المعقد complexe من كان أسيرا لشهوته celui qui est emprisonné par ses propres passions المتشدد donc l'extrémiste والمتبع للشهوة البعيد عن رضا الله celui qui suit les passions المريض نفسيا celui qui est malade psychologiquement والذي أعرض عن الله وجعل الدنيا بين عينيه celui qui s'est détourné d'Allah سبحانه وتعالى et il n'a fait de son objectif que ce monde. Très certainement, ils ne trouvent pas donc, la joie que tu trouves au fond de toi. Le fait donc, et le fait que tu te débarrasses de ta solitude on te, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc reste ferme. Et donc ne n'enlève pas donc ton voile. Ne délaisse guère la prière. لا تلهوين في الحياة. لا تلهوين في الحياة. Donc ne suis pas dans cette vie. ابتعدي عن الضيق العالي. Voilà, donc éloigne-toi des habits qui sont étroits. فأنت غزالة ستفترسك الذئاب. Tu deviendras donc, si c'est le cas, tu seras une gazelle qui n'aura pas d'être plus long trois pour les loups. بدون رحمة. Sont et qui n'ont aucune pitié pour toi. لا أقول هذا مهددا. Je ne dis pas ça pour te menacer. C'est une vérité. Et nous voyons dans plusieurs sociétés dans développées, même dans la présence de cette nudité, il y a malgré ça donc des agressions. Il est vrai. Qu'est-ce qui est le plus cher? Donc, voilà, qu'est-ce qui est plus cher donc, un bonbon qui est caché ou bien celui qui est découvert? Qu'est-ce qui est nombreux ce qui est découvert? Et les gens ne sont concurrents pas pour l'acheter. Tout ce qui est bien emballé, plus les gens donc ils se concurrencent pour l'avoir. Les perles on ne les expose pas. Et on les garde et on les préserve. صلاحك أيتها المرأة تعرفون أوفان يبني أمة يكونستروي une communauté ولذلك الأم مدرسة c'est pour ça donc la mère est une école إن أحسنت تربيتها si tu sais l'éduquer أخرجت جيل elle formera une génération متميز qui sera distingue هذه خواطر ووصايا Donc ça, ce sont des recommandations et des avertissements. Donc ce soir, c'est pour les femmes. Même les questions. Elles sont pour elles. Pouvez-vous donner un conseil pour les nouveaux mariés et quelles sont les erreurs à éviter? هل من نصائح للمتزوج لحديث العهد بالزواج وما هي الأخطاء التي يجب تفاديها؟ Oui. On a des conseils. Puis il y a des conseils. أولا نقول بارك الله لكم وبارك عليكم لما بينكم في خير مطلوب. La première des choses c'est de leur faire l'invocation que faisait le prophète صلى الله عليه وسلم. الحديث عن الزواج جميل. Aborder le sujet du mariage c'est quelque chose d'agréable. تزوجوا أيها الشباب. Mariez-vous les jeunes. تزوجوا الودود الودود. Donc mariez-vous les hommes et les femmes. Car je vais concurrencer les communautés. يا بنتي. إذا أردت أن تكون حياتك سعيدة، وما في سكوب مني البيوغاز، اهتمي بعين زوجك، اهتمي بعينه، ولذلك، fais attention à ton âme، وأذنه، donc fais que ce soit son regard ou à son ouïe، وأنفه، même à son odorat، كيف؟ comment؟ ليس الرصيد، ليس الرصيد، non non pour les avant، لا، لا يرى ما يغضبه. Il ne faut pas qu'il voit en toi des choses qui le mettent en colère. ولا يسمع ما يغضبه. Et aussi, il ne faut pas qu'il entende des choses qui le mettent en colère. ولا يشم ما يغضبه. Et il ne faut pas aussi qu'il sente ce qui lui attire sa colère. بمعنى آخر. Dans d'autres termes. حياتك نظيفة. Voilà, donc tu sois propre dans ta منزلك مرتب. Ta maison ordonnée. لسانك محترم. Et avec des propos donc respectueux. لا تتطاولين باللسان. Donc il faut pas avoir comme on dit une langue. أو بالكلام. Ou bien avec donc avoir des propos qui blessent. أو بالصوت. Ou bien en élevant la voix. هذا جنتك ونارك. Donc ton paradis c'est ton enfer c'est ton mari. وصية النبي للنساء صلى الله عليه وسلم. La recommandation du prophète صلى الله عليه وسلم aux femmes. المرأة. La femme. إذا صلت فرضها. Si elle prie ses prières obligatoires et qu'elle jeûne le mois obligatoire et qu'elle obéit à son mari, alors au paradis par la porte qu'elle souhaite. Oh ma fille, donc c'est lui ton paradis, c'est lui ton enfer. Allah t'a éprouvé. Ça c'est ta vie. ليس هناك حياة بدون مشاكل. Il n'y a pas de vie sans problème. بعض البنات. Certaines femmes. تريد الحياة كلها رومانسية. Elle veut mener une vie romantique. جميلة رومانسية. C'est quelque chose de beau. لكن لا تكون دائما. Mais ça ne veut pas durer. صار مشغول. يذهب يأتي. Le mari est préoccupé. Il parle. مشاكل. Il fait face à des problèmes. بيت النبوة. Dans la maison de la prophétie. ما خلا من المشاكل. N'était pas à l'abri des problèmes. والنبي يصلح. Et le prophète sallam, il est voilà, et il a des problèmes avec ses propres épouses. Et entre les épouses elles-mêmes aussi, il y a des propos. Alors que c'est le messager d'Allah. En d'autres termes, il n'y a pas donc une maison sans problème. Parfois, donc, le problème c'est comme le sel dans un plat. La tazid. Il faut pas en mettre trop. Ouahyanan. Tahsou. Mawadda ou mahabba ba'da mouchina. Et des fois donc, il y a un amour et une affection qui sont créés après un problème. La budda an nakoun muhtarifin. Il faut qu'on soit professionnel. Li halli mashakilina. Pour résoudre nos problèmes. Mashakilina mustamma. Nos problèmes dureront très certainement. La yumkin yakoun bi. Ana bayti fi mashakil. Dans ma propre maison, j'ai des problèmes. C'est vrai. Voilà, on n'est pas en train de parler dans le sud. Voilà, on n'est pas en train d'avoir un débat philosophique, soyons réels. Je mets au défi celui qui n'a pas un problème chez lui qui lève la main. Je le mets au défi. شخص يقول ليس في حياتي ولا مشكلة منذ تزوجت. Même les femmes, si on pose la question, très certainement, il n'y en a aucune qui va lever la main. Si tu vois que ta femme est en colère, préoccupe-toi par autre chose. Je n'ai pas dit qu'il faut fuir. ممكن تذهب للسوق. ما شيء. غلط أو شيء يعني يهدأ المكان. pour que l'atmosphère va devenir un peu. أنت يا بنتي. et toi aussi ma fille. إذا شفت زوجك غضبان. si tu vois ton mari en colère. ولا ك. non. il vaut mieux ne pas parler. اسكت. وتشين دارون. نصيحة. ça c'est un conseil. إن تكلمت. si tu parles. مثل الغاز على النار. ستزيد المشكلة. هو غضبان. منفعل. وكيلي اون كولير. المرأة العاقلة. لا فام فيسيرمون كي. إذا رأت زوجها قد على صوت. سي ال فوا كو لوم بوس لو. وحمضت وداجة. وشخصت عينيه. وكأنما هو مفترس. سي كوم سي ديفيان كوم كيلكان فيروس. تطلق رأسها في الأرض. ولا تتكلم. حتى يفرغ الشحنة. الشحنة هذه التي تجي يفرغها. jusqu'à ce que la décharge qui est en lui, elle se dissipe. بعدين. Après. ستهدأ. très certainement les choses retrouveront leur cours. وكثير من العقلاء. Et nombre, c'est parmi les sages, se mettent en colère. Et lorsqu'ils retrouvent leur calme, ils s'excusent. Et après l'avoir dit, je regrette. S'il te dit, je regrette, va. تتكلم علي ولا أن تقول كذا إذا قال ترجم. faut pas dire si bien il dit je m'excuse il faut pas dire va-t'en. إذا قال لك زوجك أنا آسف. si ton mari te dit je لا تقول يا روح أنت تكلمت علي رفعت صوتك. dis pas que t'as haussé le ton et t'as parlé. قولي مقبول عذرك. il dit j'accepte tes excuses. بعد ذلك. après cela. يكون on peut mener un dialogue. Là, on peut réformer et réparer les problèmes. Si tu lui dis va-t'en, voilà, donc il s'est rabaissé quelque part et il est venu vers toi. Donc, reconnaissance dans l'erreur, il recherche à résoudre un problème. Donc, j'accepte des excuses. Avec quelques problèmes. Et quelques propos doux, donc. يا كذا, je La base, yahsoud, alhamdulillah. البيت كذا والبيت كذا وصاير كذا وعندنا كذا وفي كذا وحاصل كذا يعني هو الآن جاي مضبوط وهي المشكلة داخل البيت بعد ممكن يرفع صوته خلاص بيانك تخبلن من خواهي أخين أدر بيان اللي طايلين من خواهي في دون ميزون في سبتر مهم مفصون فيه هو مضبوط تحمل تحمل سيبور انتي بو أيضا أنت أيها الرجل de la même manière où toi تأتي من عملك Tu reviens de ton travail. Tu es sorti depuis le matin. Et tu es rentré le soir. Elle, toute la journée seule. 10 heures toute seule. Dès que tu rentres, tu rentres donc en colère. Et tu veux que personne ne parle. Tout ce qu'elle cherche, c'est quelque chose pour combler ce vide qui a duré pendant 10 heures. C'est quoi la différence si Salam alaikum. Je rentre dans la maison. Kif al-hal. Yo salam, l'atfal. Qabbal t'atfalak. T'embrasse les enfants. Habbit t'atfalak, habibi, ta'ala, ma mashallah, l'yom. Kif ak ta'ban, chouin, ta'khart alaykum fil amal. Kif halak, zojti, kif al-hal, khair. Wa aïda, yakoun shay'an min al-umour allati bayna al-rajul wa ahlih. Ça, c'est une vie agréable. Elle t'a pas vu pendant 10 heures. Donc, essaie de compenser ce vide avec des propos doux. Donc, une situation honorable. Donc, des choses que vous savez très certainement. Et voilà, celui qui est marié qui l'informe, celui qui n'est pas encore. ينصح صحيح ولا لا موجود ولا مش موجود قد تكون حياتكم حلوة وهذا من إصلاح المجتمع تقول امرأة إني مكثت مع زوجي وكان زوجها كثير الغضب كثير المشاكل Restais avec mon mari qui se mettait souvent en colère, qui avait beaucoup de problèmes. كل يومين ثلاثة أيام عنده مشكلة. Tous les deux trois jours il y a un problème. Donc il se bagarre dans la rue et ainsi de suite. فقالوا لزوجته. Ils ont dit à sa femme. لك 30 سنة مع هذا الرجل. Ça fait 30 ans que tu es avec lui. ما ضربك. Il n'a jamais levé la main sur toi. قال لا. Il n'a jamais. ولا مد يدك. Jamais il a tendu sa main. Non, jamais. Il t'a jamais répliqué. Non, jamais. Comment? Parce qu'il se met en colère contre moi. Donc je le regarde pas. Je croise pas son regard et je parle pas. Une femme intelligente. Comment se comporter avec les liens du sang innovateurs qui nous appellent à leurs innovations et appellent ceux de nos familles à leurs innovations. Si cette bid'a relève de la shirk ou le kufr ou bien de la mécréance, حذر. فوت خسر تمام فونكا. حتى لو أن ما يكون تواصل. لم تسيبهم. il y a pas donc des relations des liens. قد يقتل الإنسان بأب أو أم. il se peut que donc la personne soit éprouvée par un père ou une mère. هكذا. يستطيع أن يقطع رحمه. Il ne peut pas donc rompre les liens. ابتلاء. C'est une épreuve de part d'Allah. لكن يهتم في أبنائه. Mais lui, il fait attention à sa descendance. ويعلمه أن هذا الأمور غلط. Qu'il leur apprend que ça, c'est quelque هذا chose. ليس صحيح. Ça, c'est faux et c'est des erreurs. فيجعل لهم تحسين. Voilà, donc c'est comme s'il est vacciné. شفتوا الحقنة حقت التطعيم؟ اسمه؟ فاكسن. يعمل لهم يعني هذه الأمور حتى يكون عندهم ردة فعل من هذا الشيء. ولا يصير الزيارات يكون خفيف. كان يأتي مثلا بين الأذان والإقامة. ويعتذر بالصلاة. يعني يأتي في وقت حرج. Voilà, il vient donc dans des moments où il peut présenter une excuse pour partir. Voilà, donc d'une part, il ne rompt pas les liens, et d'autre part, il ne peut pas être influencé. Et en même temps, il fait derrière, donc au livre d'Allah, voilà, en leur donnant des livres, en leur donnant une cassette. What's up? أنا عارفه. قل واتساب. واتساب. واتساب. يسدهم. يعمل مجموعة. ويعلم. يشرون كلام العلم. بعض الناس يمارسون البدع عن جهل والله. فإذا سمعوا كلام العلماء وسمعوا العلم استفادوا. Lorsqu'ils vont écouter les paroles des savants, ils vont très certainement prendre, ils vont très certainement bénéficier, avoir des bénéfices de cela. Pas que ça. هذا السؤال تقول يا شيخ أريد أطلب العلم في المغرب. وأريد أن أتزوج أيضا فبماذا أبدأ؟ تريد طلب العلم في المغرب وتريد الزواج. تزوجي يا بنتي. تزوجي. الزواج مقدم. إذا تزوجتي حصنتي فرجك واطلب العلم. Voilà, donc en te mariant, tu vas préserver ta chasteté et après demande la science. ما الموقف الصحيح من الذي يدافع عن التكفيريين ولا يقبل النصيحة ويزعم أنه سلفي ويطعن في بعض الأخوة السلفيين أن ما عندهم أخلاق. Donc, quelle attitude avoir vis-à-vis d'une personne qui défend donc les gens de takfir et qui n'accepte pas donc le conseil et qui prétend lui-même que c'est un salafi alors qu'il parle des frères salafi qui n'ont pas un bon comportement. هل الذي يدافع عن التكفيريين يعني هذا عنده أخلاق؟ Celui qui défend les takfir et celui-là prétend considérer qu'il a un bon comportement. يعني هؤلاء الذين عملوا ما عملوا في الصحيفة سبوا ضجة للمسلمين في فرنسا والعالم كله. هؤلاء من الأخلاق أن نثني عليهم. Donc ceux qui ont fait donc ce qui s'est passé dans le journal donc les événements qui sont passés dernièrement ceux-là peut-on considérer qu'ils ont un bon comportement؟ هل هؤلاء رفعوا الإسلام والمسلمين وإلى سببوا للمسلمين كثير من الإحراجات؟ ceux-là ont-ils apporté main forte؟ L'islam et les musulmans, ou bien ont-ils plus aidé les musulmans et les musulmans, l'islam et les musulmans dans la guerre? L'attitude de cette personne ne nous représente pas, nous, les musulmans. Et le musulman lui incombe de faire ce qui lui relève comme obligation. Et on ne trouve pas vraiment étrange. عندما يسب الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو وهو حي. alors qu'il était vivant. سبوه. il s'est fait insulter. سموه سم. qu'il a vraiment été insulté. سبوه في مجلس قال سام عليك يا رسول الله. Donc ils l'ont insulté même dans son assemblée des Yahoud parce qu'ils sont passés à côté de lui. قال السلام سام عليك يا محمد. Au lieu de lui dire السلام عليكم, ils lui ont dit السلام عليكم, c'est-à-dire que la mort soit sur toi. قال عليكم. قال عليكم, et sur vous aussi. هم في مجلس. عائشة قالت عليكم اللعنة والغضب وتكلمت عليه. عائشة رضي الله عنها donc elle s'est révoltée et elle a dit que soit sur vous la malédiction et ainsi de suite. غضبت لرسول الله. Elle s'est mise en colère pour le prophète صلى الله عليه وسلم. فقال ما؟ فقال ما دي؟ اسكت. ما هي عائشة؟ قالت أما سمعت ما قال يا رسول الله؟ أما entendu ce qu'ils ont dit؟ قال أما سمعت ما قلت؟ Il n'a pas entendu ce que j'ai répondu. Ah, le mot, allez, vous allez comment? Ils m'ont dit que la mort soit sur toi. Kalam, le terme kalam. Donc des propos par des propos. Kalam, le terme kalam. Rahma andek. Voilà, donc, expose tes idées toi aussi. Ankar bel kalam, ankar bel kalam. Donc, eux, avec des propos, toi aussi avec des propos. Qatalou, qatalahum. Ils t'ont combattu, tu connais le combat. Hattou le sum fil akl. Donc, lui en lui-même le poison. Dans sa nourriture. لما أكل العضد. Lorsqu'un donc il a mangé. وفيه السم وقد نهش منه نهشة. Et que donc lorsqu'il a pris un morceau et qu'il avait pris donc un bout et que il était empoisonné. فجعل الله اللحم والعظم يتكلم. Il a fait que ce morceau de chair et cet os il a parlé. ووضعت. Et il l'a reposé. صلى الله عليه وسلم. معجزة. Voilà donc c'est un signe de la force de la sahara. Ils l'ont même ensorcelé. Alors, donc dans un peigne. Labid ibn A'asr. Labid ibn A'asr, celui qui a fait ça. Yahoudi, sahara le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui a fait ça pour le pouvoir sallallahu alayhi wa sallam. هذا عنده اخلاق هذا الذي يثني على هذا التكفيرين هذا اللي عنده اخلاق يعني حتى الموقف منهم ان نحذر منهم ونحذر منهم واما السلبي يجب ان تكون عقيدتك صحيحه وعبادتك صحيحه واخلاقك صحيحه quand on sait sa croyance sa pratique et son comportement tout cela doit être correct. Est-ce que la femme peut se rendre dans un hammam où elle prend une pièce seule? Entre-t-elle dans l'interdiction pour la femme de se dévêtir en dehors de chez elle? إذا كانت مع زوجها لا بأس. Si elle est accompagnée de son mari, il n'y a pas de problème. Non. Donc quand on sort de la mosquée pour quelques minutes, puis on rentre, doit-on refaire la prière de la salutation de la mosquée? Donc, إذا خرج الإنسان من المسجد لدقائق معدودة لدقائق معدودة ثم دخل المسجد فهل عليه تحية صلاة المسجد صلاة تحية المسجد؟ الذي يظهر لا ليس عليه تحية المسجد عيدا. Donc, si c'est le cas, est-ce qu'il en ressort de texte, c'est qu'il n'a pas à refaire cette prière. إذا خرج ونية العودة للمسجد. Donc, si il sort dans l'intention de revenir. كان ذهب مثلا للوضوء. Par exemple, comme le fait de sortir pour faire ses ablutions. أو البيت قريب من المسجد. Ou bien que ça, la maison elle est juste à côté de la mosquée. النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كان معتكف. Donc, il faisait l'exécar. واعتته زوجته صفية. Et son épouse Safiya est venue le voir. وذهب بها يقلبها إلى البيت. وحصل القصة المعروفة عندما تعجل الرجلين قال إنها صفية. Voilà, et donc il est arrivé dans l'histoire que vous connaissez très certainement ces deux compagnons qui ont accéléré le pas lorsqu'ils ont vu une de ces femmes. ورجع المسجد وهو معتكف. Il est revenu à la mosquée alors qu'il était en état d'attitude. ولم يأتي أنه صلى تحية المسجد. Et il n'a pas été rapporté quand lorsqu'il est revenu il a fait تحية المسجد. الخروج اليسير بنية العودة لا يجب أن تصلي تحية المسجد. Donc sortir pour l'instant dans l'intention de revenir n'incombe pas donc la prière. لكن إذا خرج ساعة ساعتين ثلاث ساعات ورجع لا صلي تحية. Voilà, mais s'il sort pendant une heure deux trois il va refaire. أما إذا ذهب للحمام ورجع لا شيء. Voilà, sinon, حتى وإن كان عند الحمام زحمة. Voilà, mais par contre s'il sort pour les salles d'ablution il revient. Donc il n'y a pas à refaire, même s'il y a du monde et qu'il doit attendre un certain temps. Donc voilà ce qu'il m'en ressort des textes et la connaissance. J'ai toujours peur de lui faire du mal. J'ai été très attaché à elle et du jour au lendemain, j'ai l'impression d'avoir perdu tout mon amour pour elle, au point où Shaitan me tente de lui faire du mal. Donc, que faire, Cheikh? Sur Allah Azza wa Jalla, yajziyaka khair al-jaza' al-wakhair al-ladhi takarramtum bihi. Thumma taqul bi'annaha. يعني تعاني من الوسواس سواء في صلاتها أو في عبادتها أو في عقيدتها وحتى مع طفلتها حيث مع أنها كانت مرتبطة بها جدا إلى أنها أصبحت اليوم فقدت من حبها لبنتها حتى أنها في بعض المرات تجول بها في خاطرها يعني أفكار أنها تريد أن تفعل لها يعني شيء من هذا فما هو الحل؟ لا الوسواس بالفرنسي وش؟ لا انت ما انت بموسوسه انت تدعي لنا وتقولين جزاكم الله خير على وقتكم ما تفعلها واحده موسوسه je ne pense pas que je sois touché de l'ouswas parce que quelqu'un qui de telle sorte il ne peut vous faire des invocations يعني خواطر شيطان قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتركي منك هذا الكلام ولا تفتحين المجال للتفكير واجلسي مع خواتك الصالحات واجلسي مع الطيبين من الصالحات استمعي للحديث استمعي لا وبنتس بنتس ما تسوي لس اذى ولا شيء لا. لا. ما في سواس ولا في تعوذي بالله من الشيطان بس واكتري من سورة البقرة كل ثلاث أيام أقريها في البيت. وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وإن شاء الله أمورك طيبة. حاولي دائما تكوني على وضوء. Est-il permis à l'homme de se servir de l'argent de sa femme? Si la femme n'est pas patiente par rapport à la prise de ses biens, peut-elle divorcer pour cela? إذا كانت لا ترضى بهذا ولا تشبع عليه فهل لها أن تسأل الطالب؟ عندها فلوس كثير؟ يعني هي تشتغل؟ الخواي؟ هي تعمل؟ سيأتي الخواي؟ أنت زوجتي؟ توتي صنيبوزي؟ في البيت وخدمة البيت إذا أذن لك هو بالعمل بعض وقته منك ذهبت إلى العمل فيه donc qu'il t'accorde donc un certain donc le temps que tu dois lui donner pour le travail donc tu peux travailler. Anti ma tabir min flousahu la sadu ynda flous. Toi tu devrais pas prendre donc de son argent s'il avait d'argent. Ta'awun tayyib. Donc c'est une façon de s'aider et s'entraider. Wa rajul al-hub. Et donc l'homme véritable yazid imra'atahu ma ya'khudh. C'est lui qui doit donner à sa femme et non pas il. Zidna ma ta'khudh. زيدها ما تأخذ منها. إلا أنها هي تعطيك. Si c'est elle qui donne. شكرا لها. Merci. يا بنتي. Oh ma fille. تريدين المال ولا حياة الطلاق؟ Voilà donc je veux quoi l'argent ou bien la femme d'une femme divorcée la vie d'une femme divorcée. على كل. أحيانا أنت تشتري له هدية بمبالغ ضخمة. Voilà, parfois donc tu lui achètes des cadeaux qui ont de la valeur. وهو أيضا يتعب يجمع لكم المال. Et aussi donc lui il travaille pour ramasser de l'argent pour la maison. على كل لا يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها. Dans tous les cas donc il n'est pas permis à l'homme de prendre de l'argent de sa femme sans sa propre permission. والتعاون طيب. Mais s'entraider c'est quelque chose de bien. وأكرر. Je répète encore. عطها لا تأخذ منها. Donne-lui, ne lui prends pas. Et si elle te donne. Je suis une sœur reconvertie, alhamdulillah. Si je souhaite me marier, puis-je me retrouver seule avec mon tuteur et un autre homme, en sachant que mon tuteur n'est pas mon mahram. تقول في حالة إذا ما رغبت في الزواج فهي يحق لها أن تتواجد مع وليها ورجل آخر علما أن وليها ليس من محارمها. لا faut-il se baser pour choisir son futur époux? Comment il y a شروط والمبادئ التي يجب ان تراعيها في اختيار زوجها. عندها البوم كلام البوم تختار choisir هي التي تختار ليس التي هي تختار الرجال المرأة تخطئ ولا تخطئ. لا مانع من أن تعرض المولية الصالحة نفسها على الرجل الصالح لا بأس. أما إن أرادت أما إن أرادت ما هي صفات الزوج الذي توافق عليه فبعض البنات عندها شروط غريبة تريده جميل عنده مال ريش يحب السفر فواياج هذا ليس الزواج يكون صالح أنها تكون ترضون دينه وخلقه celui qui vient vous demander alors vous agréer sa religion et son comportement تزوجوا مريم أما بالنسبة للمرأة quant à la femme تنكح On a choisi لأربعة أمور. Pour quatre choses. ما هي؟ Lesquelles? نريد شاب أعزب هو الذي يجاوب. Donc on veut un jeune qui parle et qui répond. ها. أعزب. تفضل. ما شاء الله. حسب ومال وجمال فنطريتي لا ريشيس لا بوتي ثم ختم فقال فاظهر بذات الدين تربت يداك ولدينها ان ابخينا فيني بار شوزي سيل كي على ريليجيون اسحب السؤال هذه اسئله النساء فقط ليس لكم لا لا هذه للنساء اليوم انتم ان شاء الله غدا في الهاتف Voilà, il dit aujourd'hui, on a dit صالحة. خير لك في الدنيا وبعد موتك أو ولد صالح يدعو له. هذا اسمه في الشرع. العظم. العظم. منعها من النكاح. وعند الفقهاء إذا عضلها عضل غير مشروع. Si la prive de se marier alors qu'il n'a pas le droit, donc il est destitué de son titre. Et donc c'est le gouverneur qui prend son titre. Donc elle est demandée en mariage et tu la prives. Et tu veux exposer ta fille donc pour les épreuves et travailler au milieu des hommes. Juste pour l'argent. La barak Allah pour le mal. Allah donc n'accorde aucune bénédiction possible. Qui te laisse exposer ton honneur à l'épreuve. Mon conseil à ce père. S'il y a quelqu'un qui vient lui demander sa fille dès demain. Qu'il la marie. Et toi ma fille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Asmah. Patiente. Wad'u Allah. Et invoque Allah. Allah yahmik wa yusturk. Qu'Allah te préserve. Umur muhzina. Ce sont vraiment des choses affrissantes. أحيانا تكون خاصة ما تصلح للطرح أنا أعتذر من بناتي بخصوص هذه الأسئلة. Donc il y a vraiment des questions qui relèvent de la vie privée et ainsi de suite et on s'en excuse de ne pas pouvoir les exposer ici donc. يعني لو قرأت. Si on les lit. لعرف من هي وعرف بعض الأمور ما يصلح. On peut savoir quelque chose qui relève de la vie privée si c'est pas quelque chose. فنقدم الأسئلة العامة على الأسئلة الخاصة. Donc nous accordons au préalable la place dans des questions qui sont générales. Donc tout nous explique. Donc, quelle est la vie religieuse sur les rencontres dites mukabalat, qui ont pour but de voir les prétendants et de poser des questions sur les attentes concernant le mariage, tout cela en présence d'un tuteur. On est à L'homme, il regarde la femme. Un nombre chéri. Le regard que lui accorde au chat. Voilà, basse, c'est un nombre chéri. Il n'y a aucun mal dans le propos. Voilà, qui lui pose des questions en présence de son tuteur. Voilà, donc pour voir son intelligence. Donc, il pose des questions en calcul. ويقول لها مثلا سبعة في ثمانية كم؟ كم الجواب؟ سكتوا ما تعرفوا. كم جواب خلاص؟ لذلك سبعة في ستة كم؟ على كل تجد هذه الأشياء تحصل أحيانا. لا بس. أو هي تسأله. حتى لو يقول لها قومي même si lui dit donc lève-toi امشي marche ينظر هي عرجة غير عرجة زوجتي c'est moi future épouse ما أعرف je la connais pas أنا حضرت لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحرى أن يؤدم بينهم parce que le Nabi صلى الله عليه وسلم dit bah ouais parce que ça ça peut être une raison pour consolider les liens entre vous بهذا المعنى dans ce sens يجوز. Il est permis أما بمعنى si c'est cela signifie أن تتطور المقابلة voilà donc que ce qu'on appelle ce مقابلة se développe ويطلع المقهى voilà donc ils sortent dans les cafés تحدثوا مع بعض discutent ensemble تعرف عليها voilà pour faire connaissance تتعرف فيه et faire connaissance يروح الحديقة ils vont dans les jardins ما هذا ليس تعرف donc ça c'est pas c'est pas faire connaissance. Voilà. Khalwa. Bon, ça c'est considéré donc c'est une solitude, une isolation. Muharram. Qui sont interdits. La tête. Qui est interdite. Non. بعض الأسئلة الطويلة تحتاج عشر دقائق للقراءة. Il y a certains noms, les questions sont vraiment trop longues. Elles nécessitent 10 minutes pour les lire. As-su'al. Donc la question. Ismuhu su'al. Ça s'appelle une question. Wa laysa ismuhu qussa. Ce n'est pas une histoire. Ba'dhum yaktub qussa kam. Certains écrivent toute une histoire. Ta'ish ma'a fi mashakilha wa ashwaha. Tu vas vivre tous ces problèmes ainsi de suite. Al-muhadarat la tasah. De cette manière, on ne peut pas. جهات الإفتاء أو الجهات القضاء لا بأس تكتب الأمر كامل. Voilà, donc si c'est pour les ceux qui sont spécialisés dans cela, il y a pas de problème de détail. محاضرات مثل هكذا مختصر سطرين سطر استفيد سطرين سطر سؤالك محدد. Il y a deux calendriers de prière qui sont à notre disposition. Un qui a été mis en place par un institut salamien et un par l'UIF. Certains mosquées suivent celui fait par l'UIF. Puis-je prier derrière vous تنتسب إلى الإخوان وبعض المساجد تمشي على التقويم الذي وضعته يعني هذه الجمعية التي تنتسب إلى الإخوان فما العمل؟ العمل أن تمشوا على التقويم الذي صار على فتوى المجمع الفقهي donc ce qu'il faut prendre comme repère c'est le calendrier qui a été établi par le Mujma al-Fiqhi. ما معنى المجمع الفقهي؟ Qu'est-ce que cela signifie? هو اجتماع فقهاء العالم. Voilà, donc c'est une rencontre dans laquelle il y a des fuqaha du monde entier. واجتمعوا في مكة. Et ils se sont réunis à Mecque. وسمعت سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية. Et moi j'ai déjà entendu donc le mufti actuel donc de la Mecque. سئل عن هذا. Et on lui a posé la question. قال نعم. Il a dit oui. عرض علينا. Il n'a été connu de notre part. وعدلت عليه الرابطة رابطة العالم الإسلامي. Et donc c'est la Ligue mondiale qui l'a pris en compte. والمجمع الفقهي. Et aussi le مجمع الفقهي. وعدلنا عليه. Et nous avons واستقر الأمر. Des réformes. وأصبح هو المعتمد. Et il est devenu donc. في جميع البلدان. Et donc il est devenu donc le calendrier qui est pris en compte dans tous les pays musulmans. فأمر اعتمده فقهاء المسلمين. Cela a été ordonné par les في هذا العصر. À cette époque. والرابطة. Et donc la ligue. هذا امشوا. Donc c'est celui-là qu'il faut suivre. وإن حصل شيء. Ici, chose qui arrive. فرقابهم وذمتهم تتحمل ذلك. Voilà, et c'est eux qui, s'il y a quoi que ce soit, c'est eux qui prennent la responsabilité. وبهذا تجتمع الكلمة. Et c'est ainsi qu'on va réunir donc nos troupes. Dans quel contexte la mixité devient-elle illicite? Exemple dans le travail, dans les parcs, les écoles, universités. Donc, هذا ليس اختلاف. Donc ça, on ne peut pas considérer comme c'est une mixité. الناس في الأسواق ليس اختلاف. Donc que les gens se trouvent ensemble dans les marchés, ce n'est pas une mixité. في المطارات ليس اختلاف. Voilà, dans les aéroports, ce n'est pas une mixité. الاختلاط أن يكون الرجل يعمل مع النساء وحده. Voilà, donc la mixité, c'est que l'homme travaille avec les femmes seul. الذي يكون فيه خلوة. Où on se trouve donc seul, isolé. أما الناس مع الناس والرجال والنساء. عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ça se trouve donc depuis l'époque de النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نطوف بالكعبة رجال ونساء. on fait طواف autour de la Kaaba donc hommes et femmes. ليس اختلاط. ça c'est pas considéré comme. اختلاط ممنوع. ce qui est interdit. أن يكون الرجل مع المرأة. que l'homme se trouve donc avec la femme. ليست محرم له. c'est donc il ne fait pas. ولا محرم لها. ويجلسون بالساعات الطوال مع بعضهم. ils restent donc des heures durant ensemble. ماذا تظن يحصل؟ que pensez-vous qui va arriver؟ الشيطان très certainement. هذا الممنوع. voilà ce qui est interdit. وإلا نجعل المجتمع النساء فقط ورجال فقط. sinon donc on va faire que la société soit les femmes d'un côté et les hommes d'un autre. Faire le jeûne du mois de Ramadan sans jamais prier. Quel est le jugement? C'est de la même manière que celui qui prie sans ablution. Si quelqu'un prie sans ablution, sa prière est acceptée. كذلك الذي يصوم ولا يصلي صيامه باطل. De la même manière, donc, celui qui jeûne et qui ne prie pas, son jeûne n'est pas valable. لماذا? Pour quelle raison? لأن الله تبارك وتعالى يقول. Allah dit dans ce sens. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pour vous, les croyants, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, peut-être atteindre la piété. Donc celui qui ne prie pas, il ne peut pas avoir un titre de celui qui est pieux ou qui craint. إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا لَهُمُ الْجَنَّةُ اللي ما يصلي في النار. Ceux qui craignent Allah, ils auront paradis. Celui qui ne prie pas, ne sera pas en enfer. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة الصلاة فمن تركها فقد كفر. Ce qui nous différencie deux, c'est la prière. Celui qui la délaisse est un mécréant. لو حج. Même s'il fait le pèlerinage. وصام. Et il jeûne. وزكى. Il donne la zakat. ولا يصلي. Il ne prie pas. لا. Rien n'est accepté. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. Ce qui nous différencie deux, donc c'est la prière. ولذلك انظر ماذا قال النبي لمعاذ المذهب اليمن. Donc regarde aussi ce que le Prophète sallam a dit à Mu'adh lorsqu'il l'a envoyé au Yémen. إنك تأتي قوم أهل كتاب. Donc tu vas voir, bien tu auras affaire à des gens de la Bible. أول ما تدعوهم إليه. Que la première chose à laquelle tu les invites. شهادة أن لا إله إلا الله. Donc la profession de foi. وأن محمد رسول الله. Donc nul ne dit d'adoration si c'est Allah et que Muhammad sallam est son messager. فإن أجابوك لذلك. S'ils acceptent. فأخبرهم. Donc, أن الله افترض عليهم خمس صلوات. الله لقلهم دلهم كم obligation puisque obligation cinq prières. فإنهم أجابوك لذلك. Si ils ont accepté. فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم. Informe-les que Allah leur a prescrit la zakat. فشبه الصلاة بأمر العقيدة والشهادة في الإسلام. Donc il a ressemblé la prière à les choses qui relèvent du dogme. يقول عمر. عمر رضي الله عنه. من ليس له حظ في الصلاة. Celui donc qui n'a pas une part à la prière, ليس له حظ في الإسلام. N'a pas une part à l'islam. تقارب يا أخي تقارب واحد تقارب وتراحم وإذا قيل لهم تفسحوا ها تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم تفسحوا تقارب بارك الله تقارب اللي تقارب ما يسوي كذا يقوم يتقارب بارك الله تقارب ما شاء الله بارك الله نعم Que pensez-vous des chants appelés anajim? Ces chants sont-ils interdits dans leur globalité? Il est rapporté de manière authentique que les salafs chantaient quelques poèmes lors du combat, du travail. Ces chants rentrent-ils dans ce cas? يعني مطلقة لأنه صح أن بعض السلف كانوا ينشدون أشعار في جهادهم وفي عملهم فهل هذا يدخل فيها؟ هذا سؤال طيب جيد الدين الإسلامي la religion musulmane ليس فيه أغاني دينية Il n'y a pas de, il ne connaît pas de chants religieux. ما عندنا شيء اسمه ترانيم. هذه عند النصارى في الكنيسة. Donc les chants religieux, ça c'est pour les chrétiens. والترانيم التلمود عند اليهود. ولا aussi, ça aussi chez les juifs. والبوذيين والهنادكة عندهم الغناء. Et les bouddhistes, eux, ils ont les chants. والصوفية عندهم الحضرة. Donc les soufis لا عندهم طبل وعندهم دف في المسجد أغاني دينية ديننا فيها أغاني لكن أنا لما قلت أغاني دينية استغربت صح ولما أقول أناشيد إسلامية ما تستغربون صح Anachide islamique, on ne trouve pas ça étrange. Elle intéchère, quelqu'un anachide, anachide, anachide. Ce qui est répandu aujourd'hui, c'est plus que l'anachide. Ah, c'est une souris, il y a des jama'at qui utilisent l'anachide. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu de la part des soufis qui pratiquent ces chants. Elle غني, celui qui chante, il a dit qu'on a taqarrab ila Allah bi ghina. Il ne peut pas prétendre s'approcher dans se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le chant. Amma salaf, quant au salaf, أليس هم أهل أغاني؟ لا يعرف عنهم هذا. ليس هذا بس شيء كي يكونون. إن كان تقصد أيها السائل أو السائلة. Si à travers ta question tu veux dire. بأن هذا يوجد عندهم في المنظومات. Donc si il s'agit de poèmes. فالمنظومات لا تقال بالطريقة الموجودة في الأغاني. Voilà, donc les poèmes, on ne peut pas les réciter de la même manière qu'ils sont dits dans et chantés comme des chansons. فالمنظومة أبتدي باسم ربي الإلهي وهكذا يعدها. les poèmes, si vous voulez, elles ont un rime. أما الأناشيد. Quant au chant. جماعية. Son groupe. وهذا يتكلم. Quel un qui parle. هذا كي يردد. L'autre qui répète. ونغمة الصوت. Voilà, donc et on a. والإيقاع. Et on a une mélodie. والسلم. سلم ما في يعني سلم موسيقي يمارسون فيها ممارسة الأغنية ويتقرب إلى الله بالغناء ثم تقول الصحابة كانوا يمارسون هذا الصحابة ما كانوا يمارسون هذا كانوا في الخندق لما حفر الخندق كانوا يشيلون الرمل ومعروف بعض الأراجيز الحماسية التي يمارسها البنائين والبحارين وأصحاب الأحمال يمارسونها على إيش؟ على هذا تساعدهم وتنسيهم الحمل. Voilà, donc ils sont dit pour faire oublier la charge. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هكذا كان يقولون الصحابة في حفل الخندق يحملون الأحجار يعني تنسيهم حماس. أما اليوم أغاني نسوان. Donc ça c'est une façon de les exhorter et de les faire oublier la charge de travail et de leur en fait pousser dans le travail. Alors qu'aujourd'hui les chants ce sont des chants comme c'est des chants des femmes. Maya. Donc avec des propos de qui relèvent de la bassesse. Et ils l'écoutent beaucoup plus qu'ils écoutent le Coran. Donc ils trouvent plaisir, peut-être même elle lui fait pleurer. هذه شعار الصوفية. ولا ساسي نبلان دي صوفي. استريح يا أخوة استريح اجلس. Si on a fait l'istikhara pour quelqu'un et qu'ensuite cette personne est venue et que l'affaire a été facilitée mais qu'ensuite rien ne s'est fait, la personne a changé d'avis. Comment interpréter cela alors qu'on l'a consulté en الزواج ثم أن الأمور سالت على منوال وتيسرت الأمور لكن فيما بعد هذا الشخص غير يعني من رأيه ويعني ترك هذا الإنسان تقول فكيف يعني تؤول هذه الأمور مع أنها قد استخارت الله اختار الله الفراق ممكن أن تقتك سي الله يشوزين السلسفاس الحمد لله ممكن ونجم أنت ما فعلتي الاستخارة وما اختاره الله لك انصرف الحمد لله هذا اللي اختاره الله تركي ان شاء الله يجيب الله خير منه الله ويرزقه خير منك faire si la femme n'a pas la capacité de faire l'école à la maison pour ses enfants, sachant qu'il n'y a pas d'école d'école musulmane proche, et que l'école enseigne et donc la mécréance, et que l'État rend obligatoire l'instruction. إذا كانت المرأة عاجزة عن تدريس أولادها في بيتها علما أنها ليس هناك مدارس للمسلمين قريبا وأن التعليم هنا إجباري وفي بعض وفي المدارس يعني هناك أفكار كفرية وشركية فما العمل؟ ارجع بلد بابون خشب accepte le divorce, celui-ci est-il toujours valable ou doit-il y avoir obligatoirement une indemnité, à savoir que le mari a refusé la remise de la dot et n'importe quelle autre indemnité. تركها وترك كل شيء الذي لا يريدني لا أريد. إلا لسيني ولا لسي كل شيء. donc celui qui veut pas de moi je lui laisse tout. ما تهمني الدنيا. je rien de ce monde. لكن الأفضل أن يقول أنت مثلا طالق. voilà mais il aurait fallu le mieux de t'éviter de divorcer. يعني مساكم بمعروف. ou bien on la garde avec bonté. أو تسريح بإحسان. ou bien la laisser partir avec bienfaisance. وهذا قد صرحها بإحسان. et celui-là donc il la laisse partir avec bienfaisance. وفي مثل هذا يكون الطلاق. Et dans ce cas-là, c'est un divorce. Non. Un imam qui assiste à l'église le jour de Noël et avant la fête, pour faire un discours. Quel est son jugement? L'imam ويقوم بخطاب في كنيستهم فما الحكم؟ المسلم مسلم. المسلمون هم مسلمون. والنصراني نصران. الكريتيان هم كريتيان. هذا لهدي وهذا لهدي. chacun sa religion. اللعب ما يصلح. on peut s'amuser jouer c'est pas quelque chose qu'il faut. J'ai des doutes que mon mari a arrêté la prière, car la plupart de la journée il est dehors et quand il rentre, je ne le vois pas prier. Si cela s'avère exact, quel est et qu'il a arrêté la salade, donc que faire? وإذا دخل البيت لا تراه يصلي فإذا ثبت أنه قد ترك الصلاة فما الحكم؟ لا ما ترك الصلاة. je pense pas qu'il a négligé la prière. سألتيه. tu lui as posé la question. قلت له أنت تصلي قال لا أنا ما أصلي. tu lui as dit est-ce que tu pries? il t'a dit non. كان صلى برا المساجد. il se peut qu'il a prié dehors dans la mosquée. بناء الحياة على الظنون غلط. donc faire une vie de couple qui est basée sur les doutes c'est une erreur. حلوة الحياة واضحة. une vie heureuse c'est une vie qui est claire et évidente. مكاشفة. voilà tout est clair rien à cacher. أما الظنون وأظن وأظن أنت تظنين وهو يظن. je pense je crois. الحياة تعبة. ça صعبة. s'épuiser se fatiguer cela c'est dans la vie. عبد. أنت ما تصلي. pose la question clairement tu ne pries pas. إذا قال ما تصلي. s'il dit non je ne prie pas. هنا تكون أحكام أخرى. donc là il en découle d'autres règles. خلاص أصل ليش تنصح؟ si je prie, c'est bon. Ou le Fajr, salli anti. Et toi, donc, au Fajr, il faut que tu te lèves et que tu pries. Comme il salli. Il est réveillé pour qu'il prie. Il peut nous mettre à Tnami. يمكن أنت مثله تنامي. يسوع كمان توجه لك لو يجيب لبعض الناس. كم هي تصل؟ صل تعال بيت صل. ما تدرين الفجر هو يصلي ولا ما يصلي؟ يمكن أنت ما تصلي مثله. Donc, est-ce que le drapeau de Daesh est représentatif de l'islam? Et y a-t-il un mal à avoir ce drapeau? Daesh. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est le din. Donc, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est notre religion. Rafida yaqul muslimin. Même donc, Rafida se dit musulman. Hitler. Hitler. شعاره الصليب. Voilà, son symbole c'était la croix. شعاره cross, الصليب. وهو رمز للنصرانية. والنصرانية ترفض هتلر. Et donc le christianisme rejette en bloc Hitler. ويبقى هتلر. Hitler. داعش. داعش. وين اتخذت شعار الإسلام؟ ممسيل روفاندي كان أمبلام الإسلام. المملكة العربية السعودية. الرويال العربية السعودية. رايتها. سون أمبلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فغايتها. سون أوبجكتيف. في رايتها. دون سون أمبلام. أما هم غايتهم. كونت أ eux leur objectif. تختلف عن رايت. Il va à l'encontre de leur emblème. اتخذوها شعار. Ils ont fait ça comme seulement un emblème. حتى يسقط الضعاف ويذهبون معهم. C'est un abat pour attirer les faibles d'esprit. إلى المحرقة. Qui les ramène donc dans l'incendie dans lequel ils se trouvent. وغدا ندعش داعش. Demain, inshallah, on va s'occuper de ça. وكلامنا عن داعش. Le discours sera sur ça. غير. Par quel moyen le musulman peut-il se distraire à l'extérieur de chez lui alors que la mixité se trouve partout? Est-ce que le musulman a le droit de se distraire dans les lieux préparés à cet effet comme les parcs d'attractions, parcs de promenade, forêts, plages, cirques? يقول ما هي الوسائل التي يرفه بها المسلم عن نفسه خارج بيته وهل هذا يعتبر من الاختلاط اذا كان المسلم يذهب الى هذه المكان الاماكن المعده لهذا ك الملاهي والحدائق والغابات والبحار يعني شواطئ البحار لا بأس اذهب لشاطئ البحر يبون من دون كشفاء بلاش الذي ليس فيه عرى اذهب للغابة التي ليس فيها موسيقى ولا عري يبون ميزيك يبون جون الغابات كثير الفوائد سون نومبرز انا من جيتكم هنا يوميا امشي ولا يعني depuis que je suis venu chaque jour je marche ساعة وربع. يوم أحيانا أمشي المدة كاملة ما ألاحظ. ما أشوف أحد. يعني parfois je marche donc pendant tout son temps je croise personne. اختار الوقت. Donc choisis l'heure. الذي الناس فيه فيما هم فيه وأنت ترتاح شوي. Voilà, choisis donc le moment où les gens sont occupés à autre chose et toi donc. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit. ألا إن كل لهو باطل. Donc tout amusement est vain. إلا مداعبة الرجل لزوجته أو ملاعبته لفرسه أو السباحة أو الرماية عندكم أماكن خاصة للرماية اذهب له ترفيه اجعل لك ترفيه في البيت أنت مع أولادك وهناك ألعاب للرماية موجودة تباع في الأسواق Donc chez toi, tu peux même. Ah, la wajman et talfi. Ça, c'est une façon de se distraire. Nuzha. Donc les promenades. Nufus bihaja ila istijmar. Donc les âmes ont besoin donc de changer d'air. Wa mut'a wa nou'a min al farah. quelques instants de joie. اليوم مصطفى سوى لنا شوي جزاه الله خير. Aujourd'hui Mustafa nous a fait un chou. بس انت ما كليت معنا. يعني لابد الفرح. Il faut donc savoir se réjouir. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ساعة وساعة. ترتاح النفوس تنشط للعبادة. عبادة عبادة عبادة عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. ولذلك لا يجوز أن تصوم الدهر. C'est pour ça qu'il est interdit de jeûner sans interruption. ولا أن تقوم الليل كله. Ni de prier toute la nuit. قال إني أعتذر النساء. Donc parfois je laisse les femmes. قال الآخر أقوم الليل كله. L'autre il a dit que je prie toute la nuit. قال الثالث أصوم ولا أفطر. Le troisième il a dit je vais jeûner sans interruption. قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إني أصوم وأفطر. Il a dit quant à moi il y a des jours où je jeûne et des jours où je ne jeûne pas. وأصلي وأرقد. Il y a des moments où je dors et des moments où je prie. وأنكح النساء. Et je me marie avec. من رغب عن سنتي فليس مني. Celui qui ne suit pas ma sunna ne fait pas partie des nôtres. توازن ما بين حاجات الروح. Donc il faut créer un équilibre entre le besoin spirituel. وحاجات البدن. Et aussi le besoin corporel. الدين لا يصادم شهوات الإنسان المباحة. Voilà donc la religion ne va pas à l'encontre des passions qui sont autorisées de l'homme. لكنها نظمها. Mais il les a organisées. ما حرام. Il les a pas interdits. فالتفريط جائز. Donc se distraire, c'est quelque chose qui est autorisé. Dans la limite de le cadre légiféré. والصغار يتوسع معهم في باب اللهو واللعب. Quant aux jeunes, les enfants qui sont en jeune âge, là il faut leur donner un large moment pour s'amuser. D'adoration que je fais, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas acceptés. Donc je t'annonce une bonne nouvelle, tu es sur la bonne voie. Inch'Allah, tu es sur la bonne voie. Il ne faut pas avoir donc ces doutes. Si tu les as accomplis et que tu as réuni les conditions et que tu t'en as quitté dans son œuvre, donc de la manière convenable, elle est considérée comme valable. Et l'acceptation, ça c'est auprès d'Allah. Nous demandons à tous la part d'Allah qui l'accepte. Il n'y a personne qui a la certitude que sa adoration ait été acceptée. Mais si nous l'avons accompli comme il se doit, en pensant le bien, qu'elle est acceptée. Les degrés, donc les degrés d'acceptation, là sont différents. Il y a celui qu'on a accepté un dixième, un quart, la moitié, et من هم من تردي وجهه. Il y a celui qui s'apprend à rejeter contre lui. لماذا? Pourquoi? لاهي. Parce qu'il était distrait. Voilà, il est distrait. ما يدري. Il ne sait pas. On صلى الإمام ركعة صلى ركعة. Si l'imam prie. On صلى خمس صلى خمس. Si l'imam prie cinq. ما يدري كم ركعة بس معه. Ne sait pas combien de ركعة. قلبه لاهي غافل مشغول. Le cœur il est préoccupé, loin, éloigné. يخاف على هذا. Celui-là on craint pour lui. ما تؤديها على الوجه الصحيح. Cependant, l'affaire comme on il se doit. Donc, et l'affaire dans les règles, on espère d'Allah qu'il accepte. Il ne faut pas avoir le sens. Donc, le piercing au nez est-il autorisé? شو تسمونها؟ بيرسينج زميين. وهذا موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. Il existe du temps du prophète صلى الله عليه وسلم. كان من زينة النساء يضعن. Et ça fait partie donc de la parure de la femme. وموجود كثير. Il existe donc plusieurs. والمرأة يجوز أن تضع في أي مكان في جسدها زينة لها. Et la femme a le droit de se parer dans n'importe quel endroit de son corps. بشرط أن لا يكون فيه تشبه. À partir du moment où ce n'est pas une ressemblance. لعباد الشيطان. Ceux qui adorent donc le شيطان, satanique. تعرفون ماذا أقصد؟ Vous voyez donc de quoi je dis, de qu'est-ce que je veux dire par cela. طيب. اللي يحطون ينو ينو ينو ينو ينو هذا لا لو حطت هنا حطت مثلا هنا الأمر واسع جسدها السر الجهاد التي جفري عن الإسلام je veux parler donc des frères et des sœurs en Islam. الجهاد ذروة سنام الإسلام. الجهاد سلانس الأعلى للإسلام. من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. Celui qui meurt sans avoir jamais pensé à cela, il est mort. Il meurt sur une branche de l'hypocrisie. ولكن داعش إفساد ليس جهاد. داعش هو corruption, ce n'est pas un jihad. وكل عبادة لها شروط. Chaque adoration a une condition. نصلي الفجر الآن. On peut prier le Fajr maintenant. أجيب. اتقوا الله عطلتم الصلاة. نصلي الفجر. On va prier maintenant. على وضوء. Vous avez tous les ablutions. هذه القبلة. قبلة للمسجد. جميع شروط الصلاة متحققة. Toutes les conditions sont réunies. ما الذي يمنع؟ أقم الصلاة وصلي الآن الفجر. ها؟ شرط واحد؟ مش مشكلة. مش مشكلة شرط واحد. هكذا يقولون. اتقوا الله عطلتم الجهاد. أين الراية؟ لا توجد. أين القيادة؟ لا توجد. أين الاستطاعة؟ لا توجد. جاهد جاهد. هذا شرط واحد مش مشكلة. نقول في فرضية الصيام نصوم بكرة الحج بكرة نقف في عرفة هذا لعب في الدين كل عبادة لها شروط الجهاد ليس لعب دماء أشلاء لابد راية أين الراية أين الراية حرب عصابات. ليس هناك ولي أمر. لا قيادة. ما قائدهم؟ بغدادي. أين البغدادي؟ البغدادي فيلم. عشر دقائق والخارج. أين هو؟ قبل مدري. بعد مدري. أين هو؟ غدا تسمعون جهاد داعش. La femme peut-elle refuser de vivre une situation de polygamie? Elle est mariée et a fait un travail d'un yacht de sa vie. لو أن المرأة مسموح لها أن تتزوج أربعة. Si la femme a le droit de se marier avec quatre. هل تستأذن زوجها بالتعدد؟ L'aurait demandé. ولا تجلس عليه. وبين فهم عن دزيم. وهو يقول لها أنا إيش سويت أنا ما أدي كل حقوقي. الحمد لله أن الأمر مو بيديك أنت. الأمر بيد الشرع. الأمر بيد الله. لا شك كل أنثى ما تريد زوجها يتزوج. ليس لأنها أنانية تريده لها وحدها. لكن هو زوجها. ولكن إذا تزوج. بشرى لك. فأصبح عليك نصف حق. بدا الحق كامل يصبح عليك النص الحمل سقط عنك نص كامل لا وإذا أخذ ثلاث يصبح فقط تزق وإذا أخذ أربع ليس عليك إلا ربع حق فقط ترتاحين ثلاث أيام نصلي؟ صلي هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد.